Thierry Michel est journaliste, cinéaste de documentaires à caractère politique et producteur. Son dernier film, L'irrésistible ascension de Moïse Katumbi, dresse un portrait complexe du gouverneur Bukantanga qui dévoile aussi un état des lieux du pouvoir exercé dans cette province. Ce documentaire est présenté au 29e Festival international de cinéma Vue d'Afrique qui a lieu à l'heure actuelle à Montréal du 26 avril au 5 mai. Thierry Michel, bonjour et bienvenue à Amandla. Merci d'avoir accepté cette entrevue. D'abord, vous explorez dans ce dernier documentaire l'irrésistible ascension de Moïse Katumbi, la conquête du pouvoir, une œuvre menée pendant près de 6 ans. En quoi ce thème révèle le caractère actuel de la classe politique au Katanga? Je pense qu'il révèle d'abord l'apparition récente d'une nouvelle génération et surtout d'un nouvel homme politique, non seulement au Katanga, mais au Congo. Moïse Katumbi est un richissime homme d'affaires qui a fait ses preuves aussi dans le football, puisqu'il a réussi à faire monter son équipe de football qui s'appelle le Tout-Puissant Mazembe en club champion du Congo d'abord, pas du Katanga, du Congo. Puis il y a plusieurs reprises champion d'Afrique et un club qui est le seul club africain qui ait jamais participé à des finales de la Coupe du Monde des clubs champions, en l'occurrence à Abu Dhabi, où après avoir battu le Brésil, ils ont affronté en finale l'Inter de Milan. Donc voilà, on a là un homme charismatique, jeune, dynamique, séduisant, séducteur, grand businessman, grand patron de foot, qui contrôle la plupart des médias congolais, mais pas seulement katangais, et qui, un jour de sa vie, en 2006, décide de se présenter aux élections nationales. Non pas comme candidat président, mais comme candidat député. Il est le député de l'ensemble de la République démocratique du Congo qui aura le plus de voix de préférence. Et il va finalement choisir non pas de siéger au Parlement national, mais d'être élu comme le gouverneur de la province du Katanga. La province du Katanga étant une région grande comme la France, regorgeant de richesses dans son sous-sol, un véritable Eldorado économique où s'affrontent d'ailleurs les multinationales venues des quatre coins du monde, mais en partie d'ailleurs du Canada et bien sûr de la Chine et de l'Inde, pour se partager et exploiter les richesses de ce sous-sol, d'uranium, de cobalt, de cuivre, de tantal, de niobium, enfin de tous les minerais qui sont indispensables au développement économique. Le gouverneur en question, vous le démontrez dans le film à travers son propos, qui cherche à gérer la province comme sa propre entreprise. C'est ça le fait de la rupture politique qu'il a instaurée. C'est que d'abord, il est arrivé étant immensément riche. Donc, il ne s'est pas lancé en politique pour s'enrichir et pratiquer la prédation, voire le siphonnage des richesses du pays via cette position de privilège politique, comme le font la plupart des politiciens congolais. Il est venu et le peuple l'a élu sur cette base-là en disant non seulement il est riche, mais du fait qu'il était un peu métis aussi, et c'est une remarque qui m'a toujours surpris de la part des Africains, les gens disaient aussi il vole comme un blanc. Et donc, voilà, il a une popularité indéniable. Il pratique un discours de réforme, d'abord de réforme dans le domaine social, de réforme dans le domaine économique. C'est un homme de la rupture, indéniablement. Mais se posent d'autres questions que le film, évidemment, aborde. Disons que pour moi, pour schématiser rapidement, il y a chez lui un côté berlusconien. Peut-être que les Canadiens le connaissent moins que les Européens, mais Premier ministre italien est Silvio Berlusconi, qui a déjà été élu à 3 reprises, et qui est aussi un homme d'affaires, il s'est lancé en politique, de par la puissance médiatique qui était la sienne, et de par sa puissance footballistique, parce qu'il est aussi patron du grand club de Milan. Et donc, on retrouve un peu ces ingrédients chez le gouverneur Moïse Katumbi, mais avec aussi un discours qui fait parfois penser à Chavez, au Venezuela. C'est un discours social, de toujours dire on va sortir de la misère, et avec une politique aussi qui, elle, est reprise de la tradition africaine, des hommes politiques africains, et particulièrement du grand président que fut le maréchal dictateur Mobutu Sese Seko, une politique de proximité du peuple, d'intimité avec le peuple. Il se mêle au peuple en permanence, il tient des discours promesse incroyable et il fait preuve d'une générosité quasi sans limite en distribuant par-ci des billets de banque, par-là des ambulances, par-là d'autres choses, des puces, des cartes. Voilà, sa conquête politique passe aussi par une politique du don. Oui, dans votre film, la question du système paternaliste qui est en train de se reproduire selon certains critiques journalistes est amenée. Et ces journalistes offrent leur point de vue sur la nature du pouvoir. Un d'eux, Christophe Yatoumbi, je crois, décrit la gestion du pouvoir d'un pouvoir autoritaire et anticonstitutionnel. Ici, le quatrième pouvoir a-t-il la capacité d'assurer son rôle journalistique? Traditionnel, je n'avais pas souvenir qu'il le dit. Disons que lui critique un peu l'amalgame des genres, c'est-à-dire la confusion des pouvoirs à partir du moment où on a le pouvoir sur tous les domaines, des médias au jeu, au sport, et des sports aux affaires et de l'affaire à la politique. C'est vrai qu'il y a des voix discordantes, non seulement de ce journalisme, mais d'activistes des droits de l'homme et d'opposants politiques, bien sûr, et même de partenaires de Moïse dans la majorité présidentielle, voilà, qui pose la question s'il n'y a pas conflit d'intérêts. Voilà. Anticonstitutionnel, je ne peux pas le dire, il a été élu tout à fait légalement lors d'élections démocratiques. Le problème, évidemment, qui se pose aujourd'hui, est que son mandat devait se terminer en 2011. Il est toujours gouverneur sans qu'il y ait des élections depuis. Ça, ce n'est pas sa responsabilité. C'est la responsabilité de l'État congolais qui, une fois les premières élections ayant eu lieu, n'a plus réorganisé de nouvelles élections provinciales et n'a jamais organisé d'élections locales. Donc là, il y a un déficit démocratique extrême. Mais c'est vrai qu'il y a des voix discordantes sur le gouverneur, des voix critiques, posent cette question qu'il est important de se poser. Est-ce qu'il ne profite pas de sa situation de pouvoir politique et de sa manière assez autoritaire pour asseoir et essayer de développer davantage ses sociétés, même si c'est sa famille, dit-il, qui gère ses sociétés plus lui-même directement. Alors le journaliste, et ce journaliste avait écrit un livre qui était un livre assez dur sur le gouverneur. Il le parlait d'ailleurs, le titre c'était Moïse Katumbi, populisme et affairisme. Et mal lui en a pris puisqu'il a fait l'objet de menaces et il a dû, sous la protection des Nations Unies, finalement, être obligé à quitter la province pour s'exiler à 2000 km de Lubumbashi. Bien, il semble qu'il soit revenu, qu'il ait refait alliance avec les gouverneurs et qu'après avoir fait deux publications extrêmement virulentes dénonçant ce qu'il estime tous les abus du gouverneur, il est prêt aujourd'hui à faire un livre, à faire son mea culpa, comme le dit la presse congolaise, à redevenir un partisan du gouverneur et à lui préparer un beau livre sur voilà, sa politique. Donc il s'est fait coopter par le pouvoir, si on comprend bien. Vous avez aussi réalisé plusieurs documentaires dont certains portent un regard sur la période coloniale au Zaïre en particulier. Je nomme le Zaïre, le cycle du serpent, les derniers colons, la nostalgie postcoloniale, puis Mobutu, roi du Zaïre. J'aimerais ici vous demander de quelle manière, selon vous, les mécanismes de la colonisation ont pu transformer l'espace politique congolais. Oui. Alors ce ne sont pas des films spécifiquement sur la colonisation, puisqu'ils sont tous tournés dans les périodes où je les ai faits, c'est-à-dire dans les années 90 et début des années 2000, mais ils font référence à la colonisation, et chacun de ces films a essayé de se structurer avec quelques archives coloniales. C'est vrai, pour voir quelle est la transmission qui se fait et comment s'opère aujourd'hui la culture congolaise. Quelle est cette spécificité de la culture congolaise, pas seulement la culture politique, la culture du quotidien. On ne parle pas de la culture traditionnelle, mais le mode de vie et les rapports de pouvoir. En quoi sont-ils hérités de, évidemment, l'Afrique ancestrale, mais aussi de l'héritage colonial belge, très différent des autres colonisations. C'est vrai que nous avions en Belgique une colonisation qui était une colonisation missionnaire, qui s'est bâtie sur la force, évidemment, de tout l'encadrement missionnaire qui a été fait au Congo, soutenu par les sociétés, et une administration extrêmement forte coloniale. Et cette colonisation s'est faite sur une base totalement paternaliste. D'ailleurs, un des livres de référence de l'idéologie coloniale faite par le plus célèbre des gouverneurs qui a régné sur le Congo, le gouverneur général, était, le titre était « Dominer pour servir ». Donc il y a toujours eu cette idée de dominer, mais du service aussi. Il ne faut pas l'oublier, parce que c'est vrai que dans d'autres colonisations, le cynisme était quand même plus fort. Il n'y avait pas cette idée un peu chrétienne de servir. Mais donc ça s'est basé sur un colonialisme extrêmement paternaliste, qui a pu s'inscrire aussi sur une tradition coutumière. N'oublions pas que le culte du chef, les devoirs envers le chef ont toujours été extrêmement présents dans la culture africaine, même si le chef avait aussi des devoirs envers ceux qui représentaient. Mais ça s'est extrêmement bien enraciné. Et Mobutu a surfé, je dirais, a repris cet héritage en faisant un culte de la personnalité effrénée et en cultivant ce paternalisme qui était le mode d'emploi du Mobutisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il en reste quelque chose. Mais alors, est-ce que c'est dû aux hommes politiques ou est-ce que c'est dû au peuple? C'est toute la question que le film pose. Un Moïse Katumbi que tout le monde appelle papa ou préso, président, etc., tout le monde est en attitude de demande, de mendicité vis-à-vis de lui. Donc un peuple dépendant et pas indépendant, dépendant de ses chefs, totalement. N'estimant pas que les chefs sont les responsables. Il faut que c'est un beau débat à avoir. Je crois que mon père a bien choisi pour me donner le nom de Moïse. Il y a aussi le président Joseph, c'est le nom de la Bible. Hein. Ça ne vous fâche pas souvent quand les gens vous acceptent? Non, quand les gens m'acceptent comme ça, c'est-à-dire ils croient en moi et je ne veux pas décevoir cette population. Même quand le Belge était ici, les gens travaillaient. Aujourd'hui, là où ils sont en train de travailler, ils ne gagnent même pas pour leurs soins médicaux. Ils ne gagnent même pas grand-chose. Donc c'est à cause de la souffrance. Heureusement, maintenant, il y a des investisseurs qui vont venir et à cause de la démocratie aussi. Donc les gens vont, la population elle va se retrouver aussi. C'était une entrevue avec Thierry Michel sur son dernier documentaire, L'irrésistible ascension de Moïse Katumbi. Alors, nous allons terminer l'émission ce soir en rappelant qu'un second documentaire, l'affaire Chebeya, un crime d'État, sera présenté au cinéma.